Hélène Ourgan, Le Cabanon. Lu par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. 2014. C'est une histoire vraie ou presque. J'ai croisé Sacha quelques mois dans ma vie. Je connais quelques événements de son existence. D'après ces éléments, j'ai reconstruit le reste de sa vie. Évocation imaginaire, certes, mais peut-être plausible en ce qui concerne certains aspects. En tout cas, le cabanon faisait bien partie de son enfance. J'ai conservé son vrai prénom, à quoi bon le changer? Qui maintenant se souvient de lui et d'où il était? Qui de son entourage se plaindrait de me voir narrer une parcelle de son histoire? Chapitre 1. Le ray de lumière qui encadrait la porte s'estompa progressivement et le cabanon fut totalement plongé dans le noir. Dehors, l'étoile du berger ouvrait son œil scintillant. Des bruits infimes, frottements, chuintements, envahissaient l'espace extérieur. C'était la première fois que Sacha se trouvait là de nuit. D'habitude, maman venait le chercher avant le coucher du soleil. Sacha n'avait plus peur, ou plutôt si, mais c'était plus que de la peur, c'était au-delà, quelque chose qui avait définitivement envahi son corps et son âme de petit garçon. Le quelque chose grignotait l'intérieur, s'installait avec la soif, la faim qu'il connaissait si bien. Sacha, assis sur la couverture que maman avait bien voulu installer sur quelques sacs plastiques pour l'isoler un peu de l'humidité de la terre battue, pas plus ni moins que pour un chien, attendait, fixant éperdument la porte ou ceux qui l'en devinaient. Il avait froid, il faut dire que c'était le début de l'hiver. Aucun son ne sortait de sa bouche tellement il était aguerri, habitué à ne pas crier, à ne plus pleurer pour ne pas provoquer plus de punitions qu'il n'en méritait. Sacha, petit homme haut comme trois pommes. Il avait 5 ans depuis peu de temps. Il finit par s'endormir épuisé. Au petit matin, la porte s'ouvrit. Le bruit le réveilla en sursaut. C'était maman qui venait enfin le chercher. Les yeux encore embués, titubant de sommeil, il se leva et lui emboîta le pas. Il savait qu'il avait intérêt à la suivre vite, s'il ne voulait pas se retrouver devant la porte fermée de la maison. À l'intérieur, il s'installa rapidement sous la table de la cuisine, bien au centre, de sorte que maman ne l'aperçoive pas trop. Elle lui tendit un verre d'eau, un saladier en plastique avec des haricots froids, des morceaux de viande mâchonnée et un croûton de pain de la veille. La viande mastiquée provenait de l'assiette de sa grande sœur, Annie. Elle ne l'aimait pas et mâchait et remâchait les morceaux avant de les cracher dans son assiette. Assis en tailleur, il mangeait vite. Il avalait tout rond, les morceaux trop durs. Il savait que quand maman aurait fini de se préparer pour aller travailler, elle lui enlèverait le saladier et le verre, fini ou pas son maigre repas. Annie et Romain étaient prêts pour aller à l'école. Maman finissait de se maquiller, enfilait son manteau, prenait son sac, ses clés, et partait avec les deux grands, sans un regard pour Sacha, toujours assis sous la table de la cuisine. La porte d'entrée claqua. Sacha se retrouvait seul dans le silence de la maison. Le silence des maisons est envahi de bruits discrets, ceux qui parviennent étouffés de l'extérieur et les autres. Le tic-tac de la pendule, des craquements minuscules mais inquiétants. Chaque bruit réveillait le quelque chose qui grignotait dans l'intérieur de Sacha. Sacha ne savait plus s'il préférait quand maman était là, avec son frère et sa sœur, ou si la solitude lui était plus supportable. Maman ne parlait pas souvent à Sacha. Elle évitait aussi de le regarder. Quand elle s'intéressait à lui, c'était pour lui crier dessus, l'insulter. D'après elle, il faisait toujours des bêtises. C'était un enfant insupportable. Il méritait les coups qu'elle lui portait. Et surtout, surtout, il était l'enfant de trop, l'enfant dont elle ne voulait pas. Il était le fruit d'une courte aventure après qu'elle soit encore une fois abandonnée par le père de son dernier enfant. Le fruit? Le fruit pourri, la conséquence d'un oubli, d'un moment d'inconscience. Elle ne se souvenait même pas du nom du géniteur. D'ailleurs, elle ne s'était même pas rendue compte les premiers mois qu'elle était enceinte. Les vomissements du début, elle les avait mis sur le compte d'une crise de foie. La fatigue, c'était le résultat d'un emploi du temps trop chargé. Son travail, la maison, les gosses. La prise de poids, il fallait qu'elle fasse un régime. Elle avait appris sa grossesse par hasard au 5e mois, trop tard pour le faire passer. Il lui avait fallu assumer cette grossesse non désirée, seule. Alors, Sacha était l'excroissance, la verrue immonde qui pourrissait la vie de maman. Pourquoi ne pas en finir? Quelques jours au cabanon, sans boire ni manger, ou un coup un peu plus fort que les autres. Mais non, maman avait peut-être un reste d'humanité. Ou cet enfant, prolongement d'elle-même, était le symptôme qui garantissait un certain équilibre familial. La porte de la maison claqua. Sacha sortit de dessous la table de la cuisine pour se précipiter à la fenêtre du salon. Il les regarda entrer dans cet objet qui glisse sur le sol. Clac, clac, clac, les portières se ferment. Le bruit commença et les voilà partis tous les trois. Ces sons lui rappelaient non pas un souvenir, mais une sensation. Une sensation de bien-être, de bercement, de chaleur. Un ronron doux, un ressenti qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps. Sacha avait devant lui un grand moment de solitude et toute la maison pour lui seul. Chaque jour, comme celui-ci, il faisait le tour des pièces. Les chambres l'intéressaient particulièrement. Celle d'Annie et de Romain contenait tout ce qu'il aurait aimé avoir pour lui. Il savait, pour avoir été puni plusieurs fois, qu'il ne devait toucher à rien. Du moins, il ne fallait pas que cela se voie. Alors il se contentait de caresser les poupées d'Annie, leurs cheveux, le plastique de leur visage, les vêtements pour en apprécier la douceur et les différentes textures. À chaque fois, il en retirait le même plaisir. Il faisait de même avec ces objets plats et colorés qui contenaient des signes étranges. Il aimait regarder à l'intérieur quand il y avait des images. Il voyait souvent Annie ou Romain, tenant ces objets dans leurs mains, très intéressés par leur contenu. Annie s'occupait de ses poupées avec une grande douceur. Elle leur parlait, les habillait, les déshabillait. Elle faisait semblant de leur donner à manger. Sacha aurait aimé être à la place d'une de ses poupées. Il se contentait de regarder les jeux de loin, cachés. Il ne fallait pas que maman le voie ailleurs que sous la table de la cuisine ou dans la buanderie, où il avait sa couverture dans un coin. La chambre de Romain contenait des trésors, un tas de petits personnages et ces miniatures d'objets qui glissent sur la route. Romain, quand il jouait, faisait des bruits étranges avec sa bouche. Parfois, avec des morceaux de plastique de différentes couleurs, il fabriquait de curieuses constructions. Sacha aurait bien voulu s'essayer à ces jeux. Dans la chambre de maman, c'était le grand lit qui l'attirait. Il aimait bien s'y coucher en position fœtale, un pouce dans la bouche. Il se sentait bien, au chaud, enveloppé dans l'odeur de maman. Un jour qu'il s'y était endormi, il avait été réveillé en sursaut par maman qui hurlait. « Sale gosse, pourriture! Qu'est-ce que tu fous dans mon lit, crasseux? Tire-toi de là !» Elle l'en avait extirpé brutalement, l'avait fait sortir de la chambre à coups de pied. Il connut ainsi, pour la première fois, cette punition qui allait devenir habituelle, le séjour au cabanon. Mais comment et quand ces mauvais traitements avaient-ils commencé? Dans la nuit de son enfance, il ne se souvenait pas. Dans la nuit de son enfance, Sacha n'avait que maman comme repère. Elle était un phare dont la lumière intermittente transmettait ce message. Rejet, haine, violence. Rejet, haine, violence. À l'heure des repas, Sacha s'installait toujours sous la table de la cuisine. Il attendait les restes s'il y en avait. Quand il ne restait rien, il ne mangeait pas. C'était simple. Pendant ce temps, il servait de distraction pour son frère et sa sœur, qui ne manquaient pas de lui asséner quelques coups de pied, histoire de s'amuser un peu. Et gare aux chaussons pointus de maman, s'il pleurait ou criait, elle le frappait encore plus violemment. Il arrivait parfois que maman veuille le laver quand elle estimait qu'il sentait trop mauvais. Ce n'était jamais des parties de plaisir. Maman ne supportait pas d'avoir à le toucher, et tous ses gestes étaient brutaux, elle lui faisait mal. Ensuite, elle l'habillait avec des vêtements devenus trop petits pour son frère ou sa sœur. De ce fait, il pouvait porter un pantalon de sa sœur avec un sweat de son frère, ou l'inverse, des chaussettes dépareillées quand il y en avait. Parfois aussi, elle lui coupait les cheveux quand elle estimait qu'ils étaient trop longs. Avec de grands ciseaux, elle taillait dans la tignasse, sans ménagement, sans se soucier des inégalités de longueur. À chaque fois que quelqu'un venait en visite, Sacha devait disparaître. Et la meilleure cachette, évidemment, c'était ce cabanon au fond du jardin. Même ses hurlements et ses pleurs du début étaient inaudibles une fois la porte de la maison fermée. Plus Sacha grandissait, plus il passait du temps dans le cabanon. Il devenait trop voyant, cela indisposait maman. Le cabanon restait le seul moyen de le mettre hors de sa vue. Chapitre 2. Sacha, haut comme six pommes, allait sur ses 9 ans. La maison voisine avait été vendue à un jeune couple, heureux parents d'un petit garçon de 5 ans. Celui-ci aimait jouer les explorateurs dans les sapins qui jouxtaient le jardin de Sacha. Un jour qu'il était en observation entre les grandes branches odorantes, il vit maman qui sortait de la maison, suivie d'un drôle de personnage au visage sale, qui portait des vêtements trop grands, usés. Il marchait courbé, en chaussettes, peinant à suivre maman dans l'allée qui menait au cabanon. Maman ouvrit la porte du cabanon et Sacha s'y engouffra. Puis elle ferma le cadenas de la porte. L'enfant était stupéfait de ce qu'il venait de voir. Il guetta un moment pour voir si ce n'était pas pour de rire. Il pensait que maman allait revenir ouvrir la porte. Les jours suivants, il épia le jardin et revit maman faire le même manège. Sa scène l'inquiétait beaucoup. Il se demandait si sa propre maman n'allait pas en faire de même un de ses jours. Il en faisait des cauchemars. Ses parents étaient inquiets. Il paraissait si triste, moins joueur. À force de le questionner gentiment, sa maman finit par lui faire avouer son tracas. C'est ainsi que, grâce à ce petit voisin, un peu plus attentif que les autres, un jour la vie de Sacha se transforma. Sacha était depuis la veille dans le cabanon, maman avait oublié de venir le chercher. Le soleil s'introduisait par les interstices du bois, comme des petites étoiles dans le noir permanent de la geôle. Dehors, le jardin à l'abandon accueillait une folle végétation, refuge idéal pour les minuscules habitants qui se manifestaient au travers de légers bruits pour qui savait écouter. Et Sacha, privé d'autres sortes de stimuli, était tout oreille pour capter ces manifestations furtives. Sacha, grignoté par le quelque chose, attendait sans pouvoir mesurer le temps qui passait. Tout à coup des sons lui parvinrent. Il lui semblait reconnaître la voix de maman, mais d'autres aussi, inconnus. Maman avait le même ton que lorsqu'elle s'adressait à lui. Les voix se rapprochaient, maman vociférait. « Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes ici chez moi, vous n'avez pas le droit de fouiller, lâchez-moi !»« Madame, restez tranquille. Donnez-moi la clé, sinon je vais défoncer la porte. Allez, soyez raisonnable. Si vous n'avez rien à cacher, ça ira vite. » Il y avait des bruits de lutte, des cris de maman. Sacha sentait le quelque chose le grignoter à toute allure. Il entendit la clé tourner dans la serrure du cadenas, la porte s'ouvrit à toute volée. Les rayons du soleil, en pénétrant brutalement son antre, l'aveuglèrent. Une puanteur immonde assaillit les narines de tous ceux qui se trouvaient là. C'est que Sacha était bien obligé de faire ses besoins dans un recoin du cabanon. Des mains inconnues le saisirent pour le sortir assez brutalement. Pourtant, il entendait en même temps ces voix qui lui parlaient doucement. « Allez, mon gars, c'est fini, t'es sauvé. On t'emmène, n'aie plus peur. » À distance, il vit maman qui se débattait, tenue par 2 hommes vêtus de noir. Elle hurlait comme une démente. « C'est mon gosse, je fais ce que je veux. Il est puni, c'est un sale gosse. Vous n'avez pas le droit de me l'enlever, je vais porter plainte. » Alors qu'on installait Sacha sur une civière, elle hurlait encore. « Salaud, salaud, rendez-moi mon gosse. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. » Enfin, on fit monter Sacha dans un de ces objets qui glissent sur le sol. Il voyait autour de lui ces hommes au regard bienveillant qui l'installaient confortablement. L'un d'eux s'assit près de lui. Il lui parlait d'une voix douce. Le quelque chose qui le grignotait l'empêchait de tenter de se sauver. Il se sentait paralysé. Pourtant, il aurait voulu retourner auprès de maman, dont il entendait encore les vociférations. Puis l'objet fit entendre son bruit, commença à se déplacer lentement. Sacha retrouvait progressivement ses sensations de bercement, de ronron doux, de chaleur, et il finit par s'endormir, apaisé. Le réveil trop brutal le projeta dans un monde inconnu, hostile pour lui qui n'avait jamais quitté la maison et le cabanon. L'effroi le fit hurler au moment où l'on sortit le brancard de l'ambulance. Sacha se sentait comme une bête traquée, et son instinct lui dictait de s'enfuir. Mais au moment où il tentait de sauter du brancard, des bras solides enserrèrent son torse et ses bras. Petit et faible, sans défense, Sacha était bien forcé d'entrer dans le bâtiment qui allait devenir sa nouvelle demeure pendant quelques années. On entendait des cris, des rires. Il était peuplé d'enfants en difficulté. Conduit dans une chambre, dans sa chambre, Sacha était comme un animal sauvage. Il s'était roulé en boule au sol. Il ne voulait pas voir ce qu'il y avait autour de lui, ni les personnes qui s'étaient accroupies non loin et qui lui parlaient doucement. Le quelque chose le grignotait à toute vitesse, comme quand maman l'avait mis la première fois dans le cabanon, comme à chaque fois que la nouveauté s'introduisait brutalement dans sa vie. Maman n'était plus là, ni Annie, ni Romain, ni toutes ces choses familières. Maman, son phare, rejet, haine, violence, rejet, haine, violence. Il ne connaissait que ça, et tout ce qui n'était pas de cet univers-là lui semblait encore plus terrifiant. Enfin, on le laissa seul. Le silence de la chambre lui disait que le danger s'était amoindri. Il osa regarder un peu autour de lui, sans bouger. Un lit, une armoire, un petit bureau, une chaise, une porte, une fenêtre. Il connaissait la forme de ces objets pour en avoir vu de similaires à la maison. Les rayons de soleil à travers les vitres chauffaient doucement son petit corps recroquevillé. C'était comme une caresse douce, quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Les traits de lumière apportaient un peu de familiarité rassurante. Sacha attendait. Il attendait maman. Elle allait venir, il en était sûr. Elle allait arriver en hurlant « Sale gosse, pourriture, sale merdeuse, sors de là, tu vas voir !» Et elle lui donnerait des coups de pied pour le forcer à se lever. Ou alors elle l'attraperait brutalement par le suite pour le mettre debout et le pousserait pour qu'il se cogne la tête contre le mur. Elle avait déjà fait ça. Après, maman l'emmènerait dans le cabanon parce qu'il serait puni. Il serait puni pour n'avoir pas su résister à ces inconnus qui l'avaient attrapé de force. Il savait que maman ne voulait pas qu'on l'emmène. Il aurait dû rester dans le cabanon. Sacha attendait à genoux, le front contre le sol et les bras repliés autour de la tête. Chapitre 3. Clic-clac, la porte s'ouvrit. C'était sûrement maman. Il entendit des pas, un petit bruit bizarre et cette voix. Sacha. Ça parlait doucement. Sacha? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tout le monde disait ça ici? Sacha, tu dors? Regarde ce que je t'ai apporté. Tu dois avoir faim, non? Il y a des pâtes avec de la viande hachée et des carottes râpées, une crème à la vanille. Ça sent bon! Sacha tourna un peu la tête. Il vit des chaussures, des jambes pliées. Il regarda un peu plus haut, découvrit un visage souriant, attentif. Elle s'était assise en tailleur, sur le sol, à côté de lui, pas trop près, et un plateau portant les victuailles décrites était posé entre deux comme une frontière. « Sacha, tu peux manger tant que tu veux. Il y a de l'eau à boire aussi. Tu as tout le temps. Tu ne veux pas manger avec moi? Tu ne veux pas que je t'aide ?» Sacha ne bougeait pas. « Écoute, Sacha, je vais te laisser manger tranquillement. Tu pourras bien te débrouiller tout seul, n'est-ce pas? Je reviendrai te voir tout à l'heure. » L'inconnu se leva, quitta la chambre. Maman n'était toujours pas là. Et ce Sacha, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Maman ne disait jamais ce mot. Où était maman? Était-il possible qu'elle le laisse là, qu'elle ne vienne pas le chercher? Sacha avait faim, il mangea vite et comme il en avait l'habitude, avec les doigts. Il ne savait pas à quoi servaient les instruments posés de chaque côté de l'assiette. À nouveau, il se replia sur lui-même. Le quelque chose le grignotait toujours parce qu'il était inquiet. Ce nouveau monde lui paraissait incompréhensible. Personne ne le frappait depuis son arrivée. Personne ne criait sur lui. Il était tendu le moment où cela arriverait. Un œil glissait entre ses bras. Il regardait les raies de soleil illuminer une parcelle du sol. Cela lui rappelait les étoiles de lumière au travers des planches disjointes du cabanon. La porte s'ouvrait à nouveau. L'inconnu s'approcha. « Alors, tu as bien mangé, je vois. Tu sais, toi et moi, on va se voir souvent. Je m'appelle Solène. Demain, je viendrai te voir encore, et certainement t'apporter ton repas. » Solène, assise près de lui, continuait à parler doucement. « Ça va être bientôt la nuit. Tu peux aller te coucher dans le lit, si tu veux. Sacha, tu comprends ce que je te dis? Ou alors, je te donne une couverture et tu pourras te couvrir. Qui ne dit mot consent. Tu feras comme tu voudras. En attendant, je vais fermer le volet. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Sacha, qui l'observait du coin de l'œil, jeta un cri bref quand elle commença à tourner la manivelle et qu'il vit le volet commencer à s'abaisser. Solène en déduisit qu'il préférait ne pas se retrouver dans le noir complet et suspendit son geste. Sacha attendait le moment où Solène se mettrait en colère. Il attendait qu'elle découvre une hypothétique faute qui lui vaudrait d'être frappée. Sacha n'interprétait le monde qu'à travers ce genre de relation. Le cri qu'il venait de pousser méritait, semble-t-il, une punition. Elle se dirigea vers lui. Sacha, tendue, attendait le coup, qui ne vint pas. Elle poursuivait son chemin, ouvrait une porte qui donnait sur le petit cabinet de toilette. « Tiens, Sacha, regarde, tu as ici un WC, un lavabo. Si tu as soif pendant la nuit, tu peux venir boire. Tu vois, il y a un verre sur la tablette au-dessus du lavabo. Je crois que tu n'es pas allé aux toilettes depuis ton arrivée. Tu sais te servir des toilettes, tu es grand. Sacha ?» Sacha ne répondait pas, elle n'insista pas. Elle espérait seulement qu'il comprenait ce qu'elle lui disait. Il fallait y aller tout doucement pour tenter d'établir un lien avec lui. Il fallait tenir compte de cette drôle de vie qu'il avait eue pendant 9 ans et dont on ignorait une grande partie. Bien sûr, Sacha savait se servir des toilettes. Une fois Solène partie, il s'y précipita. La peur l'avait empêché jusque-là de se préoccuper de cette fonction naturelle. Puis il avisa le dessous du lit. C'est là qu'il serait le plus en sécurité pour dormir. Il s'y glissa, s'enroula comme il put dans la couverture et s'endormit, éprouvé par cette journée trop chargée en événements et en émotions. Sacha ouvrit les yeux. Il mit quelques secondes à se rappeler où il se trouvait. Il entendait les chants matinaux des oiseaux. La lumière extérieure, encombrée des derniers voiles de nuit, éclairait vaguement la chambre. Il était encore très tôt et aucun bruit ne filtrait du grand bâtiment dans lequel se trouvait sa chambre. Maman n'était pas venue. C'était sans doute une punition de sa part de le laisser au milieu de ses inconnus. Aujourd'hui, elle allait venir. Elle allait débarquer comme une furieuse et l'emporter loin d'ici. Mais maman ne vint pas ce jour-là, ni les autres d'ailleurs. Il ne savait pas qu'il n'allait plus la revoir, ni Annie, ni Romain. Et Philippe, Solène, Jacqueline, Olivier, Christine, Agnès, Myriam et tant d'autres devinrent ses familiers, ceux qui ont partagé son quotidien pendant de nombreuses années. Chapitre 4. Sacha n'avait pas encore été en contact avec les autres enfants. Il était en observation et il devait d'abord nouer une relation de confiance avec le personnel. Et puis il était encore sale, tel qu'il était à son arrivée au centre. Il ne savait pas non plus manger et installer à une table avec les couverts. Ce n'était pas une mince affaire que de lui faire acquérir les gestes du quotidien, puis de lui faire accepter la présence d'autres enfants. Le docteur Antoine venait le voir dans sa chambre. Il s'asseyait sur la chaise. Il lui parlait gentiment, l'observait. Il cherchait à établir un contact avec Sacha. Serait-ce par le regard, la parole, les gestes? Mais il était aussi à la recherche de différents symptômes qui lui permettraient d'orienter la prise en charge et les soins de Sacha. Pas question, cependant, de poser un diagnostic trop hâtif qui l'enfermerait définitivement dans une catégorie de pathologie. C'est lui qui annonça la nouvelle concernant maman. Sacha, tu ne reverras plus ta maman. Elle a été déchue de ses droits parentaux et, si j'ai bien compris, elle ne souhaite de toute façon pas de revoir. Maman déchue de ses droits parentaux, maman déchue. Ce que Sacha comprenait, c'est l'idée de ne plus voir maman, que celle-ci ne viendrait plus le chercher. Maman avait trouvé la punition suprême à sa trahison. Le quelque chose le grignotait de toute sa puissance. Sacha était définitivement seul. Son phare maléfique le rejetait à jamais. Il y avait cependant un avantage à cet abandon. Sacha n'était plus maltraité depuis qu'il ne vivait plus avec maman. Même si sa vie ne ressemblait pas à celle de ses enfants choyés, ou au moins entourés par leur famille, en tout cas il était protégé. Et il sentait bien que le quelque chose s'apaisait par moments. Un jour, le docteur donna à Sacha quelques petits jouets, un peu comme ceux que Sacha voyait dans la chambre de Romain. Sacha les prit prudemment l'un après l'autre, les aligna sur le sol et les contempla. Il avait bien appris la leçon, il ne devait pas toucher ces petits objets. « Sacha, ces jouets sont pour toi, je te les donne. Tu peux jouer avec. » Sacha se contenta pourtant de les examiner. Pendant ces entretiens, Sacha ne manifestait pas grand-chose. Il restait assez imperméable à toute forme de communication. Il semblait être enfermé en lui-même. Aucun mot ne sortait de sa bouche, malgré les sollicitations du docteur Antoine. Son regard, comme toujours, évitait celui de l'interlocuteur. Un après-midi, Jacqueline arriva dans sa chambre, un gâteau à la main. « Regarde, Sacha, j'ai une petite surprise pour toi. C'est un gâteau. Je te le donne si tu viens avec moi. Je voudrais te montrer quelque chose. » Sacha hésitait entre sa gourmandise et la peur de sortir de cette chambre qui était devenue comme un cocon protecteur. Derrière la porte, c'était l'inconnu. Le quelque chose le grignotait, mais Jacqueline était calme et gentille, et le gâteau tentant. Depuis qu'il avait découvert le biscuit, il ne ratait jamais une occasion d'en manger à chaque fois qu'on lui en donnait. Hésitant, il la suivit donc dans le couloir, puis ils poursuivirent leur chemin l'un derrière l'autre, jusqu'à une étrange pièce qui paraissait immense pour le petit Sacha. Ça sentait le linge mouillé, l'humidité. Il y avait des portes fermées, sauf une. Dès l'entrée de la pièce, on apercevait un coin de baignoire. Jacqueline entra, suivie de Sacha. « C'est bien, Sacha, tu as mérité ton gâteau. Tiens !» Pendant que Sacha grignotait, Jacqueline lui expliqua où il se trouvait. « Tu vois, ici, c'est la salle de bain, où tous les enfants viennent se doucher ou prendre un bain. Il faudra bien que tu te laves, toi aussi, tu ne crois pas ?» Elle ouvrit le robinet de la baignoire. L'eau faisait un bruit d'enfer en se déversant sur les mailles. « Brodum, brodum, brodum !» Sacha, figé, regardait la scène. Jacqueline regardait Sacha, attendant sa réaction. Sacha était malingre, dénutri. Jacqueline pouvait, sans difficulté, si elle le voulait, l'attraper et le déshabiller de force, le plonger dans la baignoire et le frotter, ou plutôt l'étrier comme le faisait maman. Mais ce n'était pas ainsi qu'on traitait les enfants dans cet établissement. Pourtant, il s'attendait à cette violence par le conditionnement de toutes ces années noires. Jacqueline ferma le robinet. « Viens, Sacha, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. » Les jours suivants, Jacqueline l'emmena encore dans l'immense salle de bain. Elle lui montra où étaient rangées les serviettes, elle ouvrit les portes des douches, de l'autre baignoire, elle discutait, vaquait à ses occupations, tandis que Sacha la suivait docile. Il semblait l'écouter. Un jour, il arriva près de la baignoire, et il constata qu'elle était remplie d'une eau bleue, mousseuse. À la surface flottaient quelques petits jouets colorés. Il semblait fasciné, il osa toucher la mousse, mais il ne manifesta aucune envie de s'y plonger. Il fallut encore quelques jours et des remplissages inutiles de baignoire pour qu'enfin Sacha, de lui-même, consente à y entrer et que Jacqueline puisse le laver, doucement, attentive à la moindre manifestation de peur ou d'angoisse. Puis une fois séchée, elle l'habilla, certes avec des vêtements pas tout neufs, mais au moins ils étaient à sa taille. Jacqueline, cette femme d'une cinquantaine d'années, dégageait une aura de douceur et de calme qui permit à Sacha d'apprendre la confiance, d'apaiser ses peurs. Jacqueline, son phare, confiance, calme, respect. Progressivement, il fut mis au contact d'autres enfants. Chacun d'eux, ou presque, vivait dans sa bulle. Quelques-uns suivaient des cours dans une classe adaptée, d'autres participaient à des activités avec plus ou moins de difficultés, mais un bon nombre d'entre eux, assis ou debout dans la salle, se balançaient en criant ou en riant. Ils répétaient indéfiniment les mêmes gestes. Rien de ce qui se passait autour d'eux ne semblait les intéresser. Cependant, l'intrusion de Sacha dans leur univers, qui se devait de rester immuable, entraîna une angoisse s'exprimer par de l'agitation et des cris. Par ricochet, Sacha sentit quelque chose le grignoter. Malgré les paroles apaisantes d'Olivier, de Solène, il lui fut bien difficile de s'apaiser. Mais la répétition du quotidien crée une familiarité qui permet de s'habituer, de trouver ses marques, de se fondre dans l'environnement. Bientôt, Sacha ne se distingua plus des autres enfants, enfermés dans leur folie singulière. Chapitre 5. Sacha, haut comme neuf pommes, allait avoir 13 ans. Ce que Sacha aimait par-dessus tout, c'était les promenades, le temps passé dans la cour. Quand il faisait soleil, il levait la tête vers le ciel. L'astre du jour était son ami, un ami qui réchauffe et qui caresse, sans jamais toucher. Sa lumière fait fuir tous les noirs, celui du cabanon, de la nuit, le noir des yeux fermés et le noir de son enfance noire, le temps de sa course dans le ciel. Sacha, souvent réveillé tôt, attendait la première lumière douce qui allait s'introduire dans la chambre pour calmer le grignotement matinal du quelque chose. Il appréciait aussi la musique, celle qu'on diffusait à l'atelier thérapeutique. Il souriait, le regard dans le vide, mais Sonia et Bertrand, en charge de l'atelier, avaient perçu son attention, son écoute. Cependant, personne n'avait trouvé la clé pour permettre à Sacha d'entrer dans ce monde de communication qu'est le nôtre. Et si la communication avec les adultes soignants était réduite au minimum, avec les autres enfants, il ne se passait rien. Sacha était resté dans le noir de son enfance. Ses acquisitions se limitaient au minimum. Il faisait partie de ce groupe d'enfants qui passaient le plus clair de leur temps dans la salle à se balancer, rire et crier. Toute tentative de l'intégrer à une activité quelconque s'était soldée par un échec. Sacha ne jouait jamais. Il se contentait de transporter ses jouets, donnés par le docteur Antoine, de les aligner près de lui, là où il se trouvait. Sacha, haut comme 12 pommes, avait 16 ans. Mais à 16 ans, on est un adulte pour les lois hospitalières. Il n'y avait pas d'établissement intermédiaire. Il n'en existe toujours pas suffisamment pour accueillir ces adolescents en souffrance. Sacha était mentalement toujours un enfant, un petit enfant. Il le serait toujours. Mais civilement et physiquement, il se rapprochait de l'adulte. Le docteur Antoine lui annonça donc son transfert prochain en unité de psychiatrie adulte. Pour Sacha, cela ne signifiait rien. Il réalisa, le jour où on le fit monter dans une ambulance, que quelque chose allait changer et que tous ces mots entendus « Tu vas nous quitter bientôt, Sacha !» avaient ce sens de départ. Mais départ pour où ? Maman, dont il avait oublié le visage, la voix, voulait-elle le reprendre ? La punition était-elle levée ? Allait-il retrouver les sombres violences, le cabanon ? Sacha n'avait pas la force de s'opposer à son exil. On lui avait fait boire un médicament pour l'apaiser en prévision des angoisses provoquées par le départ. Sacha retrouvait le bercement de l'objet qui glisse sur le sol. Mais seulement cela et rien d'autre. Son départ d'un lieu familier, sa séparation d'avec ses repères humains l'inquiétait grandement. Au sortir de l'ambulance, on le fit entrer dans un bâtiment dont l'environnement sonore différait de celui qui s'était transformé en familiarité rassurante dans l'institution précédente. Le hall d'entrée au carrelage sombre et froid, les murs aux peintures passées, donnaient de l'écho aux bruits et aux voix. La femme qui s'approcha de lui portait une blouse blanche par-dessus ses vêtements. « Bonjour Sacha, je m'appelle Bérangère, je suis infirmière. Je vais m'occuper de toi aujourd'hui. Viens, je vais commencer par te montrer ta chambre, on va y ranger tes affaires. » Accompagnés d'un autre infirmier, ils s'engagèrent dans un couloir mal éclairé, sans fenêtre, sans ouverture quelconque, qui aurait laissé passer un peu de lumière du jour. De chaque côté, les portes fermées se succédaient, bout à bout. Le silence était lourd, lourd de ces sommeils neuroleptisés. C'était l'heure de la sieste, et ceux qui ne dormaient pas tout habillés, et parfois encore chaussés, affalés au fond de leur lit, traînaient leurs carcasses désespérées dans le parc, ou à la cafétéria, ou peut-être en ville, avec ou sans autorisation. « Voilà, Sacha, ta chambre !» Les murs en crépi étaient peints en bleu pâle, le sol était recouvert du même carrelage que dans le hall et le reste du bâtiment. Des traces sales sur les vitres en verre sécurite gâchaient la lumière. Même les meubles, un lit, une armoire étroite, un petit bureau, une chaise, paraissaient plus laids. Malgré le médicament ingurgité avant son départ et qui était censé le détendre, Sacha sentait le quelque chose le grignoter à cause de cet environnement sévère et inconnu. Il devait refaire tous ses repères. À l'écoute du moindre changement, l'infirmière et l'infirmier sentirent qu'il ne valait pas mieux, en cet instant, en montrer plus à Sacha, mais tentaient de le rassurer, de le sécuriser, de lui laisser le temps d'absorber toutes ces nouvelles informations. Sacha s'habitua, parce qu'il n'avait pas le choix, obligé de vivre ici. Il s'adapta aux nouvelles contraintes, à la population du pavillon, dont les âges pouvaient s'échelonner entre 16 et parfois plus de 70 ans. Il s'accoutuma au bruit, à l'agitation sporadique, aux journées vides ponctuées par les heures des repas. Sacha était un adolescent frêle, maigre à la poitrine creuse. De taille moyenne, il se tenait un peu voûté, il marchait avec les genoux légèrement pliés. Sa chevelure noire jet contrastait avec une peau trop pâle. Son visage, à la lèvre supérieure ombrée de cette moustache fine et soyeuse des jeunes hommes tout juste pubères, n'avait aucune grâce. Il ne connaissait qu'un seul mot, qu'il récitait sur tous les tons, quand il était d'humeur à s'exprimer. « Sacha, Sacha, Sacha, Sacha, Sacha, Sacha, Sacha. » Il était toujours attiré par le soleil. Les jours d'été, quand la porte principale du pavillon était ouverte pour laisser entrer la chaleur et un air nouveau, Sacha se précipitait dehors, courait sur l'herbe, puis tournoyait sur lui-même, les bras en croix, le visage tourné vers le ciel. Il se laissait tomber sur la pelouse et regardait le bleu du ciel, la danse des feuilles et des petits nuages sous la brise, et vocalisa son prénom à l'infini. « Sacha, Sacha, Sacha, Sacha, Sacha, Sacha, Sacha, Sacha. » Seulement, les séances de petit bonheur ne duraient jamais longtemps. Un infirmier se précipitait au dehors, le sommet de rentrer. Par crainte que Sacha ne se sauve, se perde dans le parc, que son visage ne soit recouvert de coups de soleil à cause des neuroleptiques, qu'il ne soit la victime d'un prédateur sexuel. Oui, ici aussi la sexualité s'exprime, comme elle peut en fonction des opportunités, des vicissitudes de la pathologie. Sa fragilité physique, son jeune âge, en faisait une proie idéale pour ces hommes tourmentés par leurs pulsions sexuelles, difficiles à assouvir dans ce milieu. Sacha ? Sacha ! Maman a détruit la possibilité d'une autre vie. Même loin de toi, elle est toujours là. Elle a réussi dans son entreprise de destruction. Elle n'a rien mesuré, la haine était trop forte. Maman n'a pas su ou pas pu demander de l'aide. Elle a cru l'enfant responsable de son mal-être. Elle n'a pas vu le nouveau-né dans ses bras, mais autre chose qui entravait sa vie. Sacha, es-tu heureux dans ce monde qui nous échappe? Sacha a environ 42 ans aujourd'hui. Mais s'il n'est pas mort, qu'est-il devenu? A-t-il erré d'institution en institution? Épilogue. Une lectrice m'a posé des questions au sujet de Sacha. À quel moment et pourquoi Sacha aurait-il été rejeté par sa mère? Je l'ignore, je ne sais pas si je l'ai su un jour. L'histoire que je raconte ici est parcellaire parce que je l'ai vécue il y a au moins 25 ans. Je ne me souviens plus si je connaissais les circonstances qui avaient amené la mère de Sacha à le rejeter ainsi, hormis le fait que sa venue n'ait pas été souhaitée. Était-ce une pathologie neurologique ou psychiatrique qui aurait conduit la mère à ne plus supporter son enfant une fois la maladie plus ou moins découverte et ressentie par elle? Ou est-ce le comportement de rejet de la mère qui aurait modifié l'évolution psychique de Sacha? Je ne me souviens plus du diagnostic posé. Et celui qui existait à l'époque était-il le bon? Comment est-ce possible qu'une mère puisse donner le biberon et des soins à un bébé tout en le rejetant? Je sais qu'il existe des stratégies mises en place par les mères rejetantes pour s'occuper à minima du bébé. Elles peuvent caler le bébé et son biberon dans le lit au moment du repas pour ne pas avoir à le prendre dans leurs bras. Elles sont dans l'évitement de la relation. De ce fait, elles ne proposent aucun stimuli au bébé, qui va rester le plus longtemps possible dans le lit ou le landau, sans que la mère s'en préoccupe, et les soins physiques sont réduits au strict minimum. L'institution où Sacha passe son enfance est une invention de ma part. Je veux dire que dans la réalité, le personnel est en nombre plus restreint. Il n'est pas possible de laisser autant de temps à l'adaptation de l'enfant qui arrive. La configuration des locaux laisse peu de place à une acclimatation progressive aux autres. J'ai plutôt laissé courir mon imagination et créé un petit bout d'institution idéale. J'ai rêvé un peu, parce que la vie de Sacha et de tous ses autres enfants maltraités m'est insupportable.